Soyez les bienvenus sur Fun Radio. On termine la semaine ensemble avec Summer Fun jusqu'à 9h. Fun. Fun Radio. Avant ça, il est 6h tout pile. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. On fait un tour de l'actu en ce vendredi 12 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Didier Reynders souhaite geler les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Le ministre des Affaires étrangères préfère prendre des précautions tant que l'incertitude demeure sur la réintroduction de la peine de mort dans le pays. Le ministre met en garde la Turquie contre une trop grande pression sur l'Europe. Il estime que les craintes sont trop importantes par rapport aux relations entre la Turquie et la Russie. À l'étranger, les migrants arrivent toujours en nombre en Grèce. Selon le gouvernement grec, les arrivées seraient plus importantes depuis le putsch raté en Turquie. Les 5 îles du pays sont submergées. Hier, le nombre atteignait les 10 000 personnes pour une capacité de 7 450 places. Le 1er août, le pays avait déjà enregistré une hausse de 11%. La moyenne du nombre d'arrivées sur les différentes îles est elle aussi en augmentation. Le sud-est de la France a été la proie de violents incendies. Jeudi matin, un violent incendie a touché les Pyrénées-Orientales. Dans l'après-midi, 400 hectares avaient déjà été calcinés. Des incendies qui se rapprochent dangereusement d'un petit village, les habitants ont dû quitter leur maison car les flammes continuent de faire des ravages. La France est touchée par plusieurs incendies dans plusieurs endroits du pays. En sport, la Belgique a perdu aujourd'hui sa dernière chance de médaille en tennis. Après les éliminations de Janina Wickmeyer et Kirsten Flipken, c'est au tour de David Goffin de s'incliner. Le Belge a été battu en 2-7 face au Brésilien Bellucci. Le 11e mondial a été battu sur le score de 7-6, 6-4. Il avait pourtant toutes les clés en main pour remporter le premier set en menant 5-3. Une prestation décevante pour celui sur qui reposaient tous nos espoirs. Une petite information insolite pour clôturer ce flash, et c'est un véritable coup du sort qu'a connu un Indien. Récemment, il a été victime d'un accident d'avion près de Dubaï. Après ce malheureux fait, l'homme qui a survécu a remporté une très belle somme d'1 million d'euros en jouant à la loterie. Cet homme de 61 ans a en effet échappé à l'incendie de l'avion qui a pris feu à l'atterrissage à l'aéroport de Dubaï. On peut clairement dire qu'il a eu un coup de chance et que son heure n'était pas là. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, on démarre la journée avec Bob Sinclair ou encore la Danoise Mo et Fanel Song. Côté météo, est-ce qu'un bon week-end s'annonce, Florence? Oui, pas mal en tous les cas, avec de la pluie et des nuages encore en matinée aujourd'hui. Le retour des éclaircies dans l'après-midi. Le mercure est lui en hausse. Il devrait atteindre les 19 à 25 degrés sur l'entièreté du pays. En attendant, le soleil, c'est dans la radio avec le Sundance Floor qui continue. Et Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Bienvenue, il est 6h06 sur Fun Radio. Je vous partage mon coup de cœur du moment. Ça me fait super plaisir de vous le faire découvrir. C'est la danoise Mo qui arrive dans quelques secondes avec Fun Isle Song. Montez le son, ça cartonne. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur Fun Radio. Je m'appelle Anto, vous écoutez Summer Fun et nous sommes en direct jusqu'à 9h avec toute l'équipe au rendez-vous. On a Florence aux infos, on a Étienne à la réalisation et puis vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Vous allez découvrir plein de choses, vous amuser et surtout avoir le sourire pour bien démarrer la journée. Et quoi de mieux pour démarrer la journée que faire un petit tour du côté de l'éphéméride? C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Éphéméride du jour, nous sommes le vendredi 12 août 2016, déjà le 225e jour de l'année. Ça passe très très vite, 32e semaine déjà. Et si vous vous appelez Clarisse, bonne fête à vous les amis. Et puis au niveau des anniversaires de stars, des Peoples sont nés également ce vendredi 12 août. Le footballeur français Djibril Cissé, l'acteur Peter Krause. On a aussi le président français François Hollande qui, oui, fête son anniversaire aujourd'hui. Et puis le talentueux Julien Lepers, question pour un champion qu'on connaît tous évidemment. Et puis en journée mondiale du jour aujourd'hui, et c'est la journée mondiale de la jeunesse. Et d'ailleurs aujourd'hui on parle de scout et de mouvement de jeunesse justement. Vous comprenez le petit lien, et c'est très drôle. Vous êtes vous scout, vous êtes pas trop, vous avez déjà fait partie d'un mouvement de jeunesse. Venez en parler avec nous dans l'émission. Vous avez des anecdotes, des petites choses originales à raconter autour de ça. On attend vos réactions dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore via la page Facebook de Summer Fun. Soyez les bienvenus. Voici Mo et Fun Isle Song sur Fun 6h07. Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Don't let this be our final song. Fun Radio. Fun, Fun Radio. Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dernier jour de la semaine ensemble sur Fun Radio 6h14, soyez les bienvenus. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Rise Truffy et Bonne Bonne qui arrive. Juste avant, je vais vous dire que j'ai du cadeau exceptionnel pour vous aujourd'hui. Votre PC 2 en 1 Acer One 10. Le principe, vous avez un ordinateur convertible en tablette, un ordinateur de 10 pouces, c'est l'Acer One 10. Et c'est ce que je vous offre aujourd'hui pour pouvoir rester connecté partout et tout le temps. Alors pour tenter de le remporter, il sera gagné aux alentours de 9h15. Vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et bien vous le savez, de toute façon, les plus beaux cadeaux, on les gagne cet été sur Fun Radio. Alors je vous rappelle, le PC Acer One 10 convertible en tablette et en PC. Ce sera égalé tout à l'heure. Alors PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Plus d'infos sur funradio.be. Et Rise Truffy, Bonne Bonne, c'est ce que je vous joue ce matin à 6h15 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. bun, bun. Ты бассейн, лицо цвета до шрейном вуз. Скинокей, так он на дуз. Приш, я мунси, я маане. Секур в топ, не хай, я ману кентей. 6h18 sur Fun Radio. Le duo Axwell et Sébastien Grosso, Thinking About You. C'est ce que je vous cale dans un instant côté sur Let's Four. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et aujourd'hui, l'Héroscope qui parle d'amour. On commence avec les béliers. Donnez dans l'action. Cette journée ne doit pas être laissée sur le côté. Les taureaux, frustrés ou insatisfaits, vous serez. Un sacrifice est toujours utile à la réussite et ça, c'est mille fois vrai. Les gémeaux, pas aussi appréciés que vous l'espériez. Vous allez donc bouder. Aujourd'hui, reprenez-vous vite en main. Les cancers, prenez du recul et laissez les choses arriver à vous. Ne les provoquez pas surtout, c'est important. Les lions, moins de doutes, plus de clarté. C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes sur un terrain propice à aimer aujourd'hui. Les vierges, votre ciel est bien trop sérieux pour laisser de la place à l'insouciance. Les balances, fabriquez-vous une belle bulle pour vous et votre amoureux, alors amusez-vous, profitez de la vie. Les scorpions, votre atmosphère n'est pas sereine, vous n'avez pas la tête à rigoler ce week-end, votre entourage comprend et vous laissera donc tranquille. Les sagittaires, concentrez-vous sur l'essentiel, le reste viendra tout seul, faites-nous confiance. Les capricornes, vos ondes amoureuses sont transparentes parce qu'elles sont totalement absentes. Les verseaux, tout va bien, mais votre cœur est un peu trop loin, logique, bon, vous vous amusez trop bien avec vos amis pour le moment. Et puis les poissons, attention, si vous attendez une réponse, il va falloir encore patienter jusqu'à lundi prochain. Plein de questions s'offrent à vous ce week-end. Je vous rappelle également que dans quelques instants, on aura Maître Gims, c'est ma beauté, Maître Gims qui sera en concert avec Fun Radio. Ce sera le samedi 10 décembre prochain du côté de Forêt Nationale. Alors si vous avez envie d'avoir plus d'infos dès maintenant sur ce concert ainsi que sur tous les autres événements Fun Radio, ça se passe très simplement sur notre site www.funradio.be, sur lequel vous retrouvez plein de news, plein d'infos, des coulisses d'émissions, des vidéos également, des interviews et puis les meilleurs événements et plus grands événements Fun Radio. Dans quelques secondes, j'ai pour vous du 100% belge, c'est Lost Frequencies qui arrive. On aura également Maître Gims, Ma Beauté, ainsi que la musique qui a cartonné et qu'on connaît tous, This One's For You. C'est ce qui arrive juste après Axwell et Sébastien Grosso sur Fun. But I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool, cool stereo. And I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Think about my holidays. Think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors. Think about sex. Think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Thinking about you now.

Merci d'être sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est du 100% belge qui arrive avec le groupe Lost Frequency, c'est Beautiful Life. Et c'est ce qui arrive juste après ça sur Fun. Il est 6h30 sur Fun Radio, on s'informe avec Florence Vanleau. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. À Otigny-Louvain-la-Neuve, les autorités souhaitent sensibiliser les jeunes au danger des stupéfiants. Cette envie fait suite aux résultats quelque peu préoccupants d'un contrôle routier. Mardi, sur 10 tests salivaires, 6 se sont révélés positifs. Un chiffre qui ne cesse hélas d'augmenter au fil des années, avec des conséquences parfois tragiques. Les opérations comme celle de ce mardi devraient se faire de manière plus régulière afin d'éradiquer au mieux ce fléau. À l'étranger, un bailleur de fonds du groupe État islamique aurait été tué selon les autorités kurdes. Le raid en collaboration avec les forces américaines serait à la base de cette manœuvre. L'homme tué a été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir supervisé des opérations de financement de l'État islamique à travers la vente de pétrole et de gaz notamment. Deux bombes ont explosé simultanément dans un hôtel touristique de Thaïlande. L'attaque a causé la mort d'au moins une personne. 17 autres ont été blessés. Les bombes auraient été placées dans des pots à 50 mètres l'une de l'autre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et les auteurs de ce qui pourrait être une nouvelle attaque terroriste. En sport, les golfeurs belges Nicolas Colsart et Peter Timmers ont commencé leur tournoi de la meilleure des manières. Les deux Belges, auteurs d'une bonne prestation, sont pour le moment présents dans le top 10. Le premier est actuellement 9e alors que le second est à l'instant au pied du podium à l'occasion de cette première journée. Ils doivent encore jouer à plusieurs reprises afin de conforter leur bonne prestation. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec ce jeune bébé qui a échappé au pire dernièrement lors d'une émission télévisée. Une vidéo montre l'enfant dans les bras de sa maman avec un jeune lion accompagné de ses dresseurs. Une scène qui a bien failli tourner au drame lorsque le lion s'est attaqué à l'enfant. Malgré ce fait, la maman a gardé son sourire et son sang-froid. Après plusieurs minutes, les dresseurs sont parvenus à retirer le petit des griffes du lion. L'enfant, à lui, est complètement explosé en sanglots. Néanmoins, c'est une belle petite histoire à raconter pour la maman qui a sauvé son enfant et aux dresseurs qui ont pu maîtriser le jeune lion. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes, c'est Mo et Aloha que je vous cale sur Fun. On se fera plaisir également avec le duo Ariana Grande et Kenji Girac, One Last Time. C'est ce qui arrive juste après Lost Frequency, c'est Beautiful Life. Et puis côté météo, Florence, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Oui, des bonnes nouvelles avec, et malgré tout, de la pluie et des nuages en ce début de journée avant le retour des éclaircies sur tout le pays. Le mercure est lui en forte hausse, il devrait atteindre les 19 à 25 degrés pour la journée d'aujourd'hui. En attendant, Summer Fun continue avec le son de Maître Gim sur Fun Radio. Fun Radio, tous les matins, c'est Summer Fun, avec Anto sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. Une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant. Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi. passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant. Excellent réveil sur Fun Radio, il est 6h35. On termine la semaine ensemble avec Last Frequency, c'est Beautiful Life dans un instant. Et si je vous dis par exemple animation, jeu, camp, forêt, vous pensez à quoi? Ben moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est évidemment le scoutisme et les mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2016 et c'est donc la journée mondiale de la jeunesse, l'occasion pour nous de faire un focus justement sur ces mouvements de jeunesse qui fonctionnent beaucoup durant l'été. Alors il faut le savoir d'ailleurs, si on se concentre un peu sur le scout qui sont un peu le mouvement de jeunesse principal ici en Belgique, elle a déjà presque 100 ans les scouts déjà, c'était en 1907, ça a été inventé par un anglais. L'idée de départ en fait c'était de réunir simplement des garçons qui voulaient s'amuser ensemble, de différentes classes sociales évidemment, pour vivre un camp scout un peu expérimental, un peu exceptionnel. L'idée donc c'est de se retrouver en plein milieu d'une forêt et de pouvoir se débrouiller ensemble, construire son habitat, construire son environnement et vivre comme ça durant plusieurs jours. Aujourd'hui en Belgique en tout cas, le scoutisme il n'arrête pas d'augmenter. Alors pourquoi on voit un succès dans le scoutisme? Personnellement je ne comprends pas, parce que je ne pourrais pas le faire, je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais par contre le scoutisme, si on regarde autre le fait de dormir dans les bois, se laver dans un lac et à faire ses besoins dans la forêt, c'est aussi surtout un projet éducatif qui est super original avec des méthodes jeunes et dynamiques et surtout unique qu'on retrouve pas à l'école. Donc ça peut permettre d'apprendre plein de choses aux jeunes et surtout apprendre à évoluer en groupe, à s'entraider, à se débrouiller. C'est vrai que c'est une des choses qu'on peut principalement apprendre là-bas. Si on parle en chiffres par exemple, quels sont les chiffres des scouts? C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. 46 000, ce sera le chiffre à retenir aujourd'hui, ce sera notre chiffre du jour, c'est le nombre d'ados et d'enfants qui ont rejoint les scouts. Il y en a donc 46 000 pour l'instant. Alors au niveau des âges, si vous ne saviez pas, par exemple il y a plusieurs catégories, vu qu'on évolue évidemment dans les scouts, on commence pas directement au-dessus, on commence en étant baladin, ça c'est entre 6 ans et 8 ans, parce que c'est l'âge et c'est la section où on commence à apprendre et à prendre confiance. Ensuite, une fois qu'on a pris confiance, on passe les louveteaux, jusqu'à 12 ans, où là on apprend à vivre en groupe. J'ai une petite chanson pour vous d'ailleurs, qui est à destination des louveteaux, qui est super connu dans le domaine des scouts, ça s'appelle Qui donc le rassemblera. Écoutez, c'est super connu dans le scoutisme. Allez-y, levez vos mains. Et c'est une des choses que vous allez pouvoir chanter si vous aussi vous rejoignez pourquoi pas les scouts. Une fois qu'on a appris à vivre en groupe, on passe chez les éclaireurs là jusque 16 ans durant le début de l'adolescence, où on apprend là non pas à vivre ensemble mais à construire avec les autres, super important. Et puis jusqu'à l'âge de 18 ans on devient pionnier, l'âge de majorité. Et là c'est la grande étape évidemment, vu qu'on part dans l'engagement dans les troupes. 11 000 jeunes s'engagent chaque année pour travailler, animer et encadrer les scouts justement. Vous peut-être que vous avez déjà été scout les amis, peut-être que vous l'êtes maintenant. Venez m'expliquer ce matin pourquoi c'est important de le faire, parce que voilà, personnellement c'est pas jamais un truc qui m'a attiré, mais peut-être que vous allez ce matin me convaincre, me dire que voilà il y a plein de choses exceptionnelles à faire autour de ça. Alors réagissez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore via notre page Facebook. Venez nous expliquer ici à l'antenne en direct ce matin pourquoi c'est important de faire du scoutisme, et surtout quelles sont les anecdotes originales que vous avez déjà pu vivre là-bas. Ça se passe sur Facebook, sur la page Summer Fun. Dans un instant on continue à parler tout ça, on continue à s'amuser, à vous offrir, j'ai plein de cadeaux pour vous, et puis à s'écouter le meilleur de son dance floor avec Mo mais Aloha, Ariana Grande, Kenji Girac, One Last Time. C'est ce que je vous balance juste après Lost Frequencies sur Fun. A tout de suite. Dis le Vos. Ouais, les mens. Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui, grillon. Oui. La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà. De Vos, les mens. À table. Et maintenant, la météo. Jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. Deux packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus un pack gratuit. Taste the feeling. Conditions dans les magasins participants. Ouais.

Même si ce soir c'est la dernière fois. Je suis... On se réveille ensemble avec le sourire dans quelques secondes avec Mo. Mais Aloha, imaginez-vous les doigts de pied en éventail dans le sable à la plage. Eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir faire dans un instant sur Fun Radio. Et puis, je vous cale la nouveauté de Kinvey également. Et celle qu'il te faut, c'est ce qui arrive. Et ce qu'il vous faut, ce qui est certain pour démarrer la journée, c'est écouter Summer Fun jusqu'à 9h. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant ça, Florence, on fait un tour sur nos routes. Que se passe-t-il à Bruxelles et en Wallonie ce matin, 6h45? Et ça se passe plutôt bien, si ce n'est un accident à signaler entre Cheratte et Liège. Les conditions de circulation sont très difficiles sur la E25 à hauteur de Maastricht, dans le sens Liège. Vous apercevez quelque chose sur la route? Vous êtes témoin d'un accident, d'un ralentissement? Faites-le nous savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. C'est ça aussi la fun, c'est d'arrêter, c'est de pouvoir se soutenir ensemble le matin et surtout que nous on prévienne la Fun Family pour être prudent sur la route. Et puis si vous partez en vacances et vous avez la chance d'en prendre, bonnes vacances à vous les amis. On continue à parler de scoutisme, à parler de patro, à parler de mouvement de jeunesse ce matin. C'est le fil rouge de l'émission. Vous avez envie de réagir, ça se passe sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, c'est Félix Jen, Kinvey et Môme qui arrivent sur Fun. À tout de suite. Chérie, t'as mis le réveil? Oui, 4h du matin. Oh, génial. Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais de votre supermarché. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Crashing waves, but I wanna see them at first light. After a long night, and see the sky take shape, but I wanna see the stars burn. After I had my turn, and oh, you're working so hard. You played your card, so what's the payoff? Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while

Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Merci d'être sur Fun Radio, 6h55 dans un instant. Et c'est Soprano et le Diable ne s'habille plus en Prada qui arrive sur Fun. Et juste avant, est-ce que vous vous souvenez de Cheerleader, le titre de Maï? Écoutez. Et puis si je vous parle de Ain't Nobody, vous vous souvenez aussi de ce titre avec Jasmine Thompson? Deux titres qui ont fait danser le monde entier. Eh bien, c'est le DJ allemand Felix Jen qui se cache derrière ces deux titres. Je sais pas si vous vous souvenez de Felix Jen, évidemment, mais il a sorti un tout nouveau tube cet été. Il revient sur le devant de la scène pour faire grimper littéralement la température partout sur les plages, dans les sorties. Ici sur Fun Radio, c'est le titre ensoleillé Bonfire que je vous diffuse d'ailleurs maintenant sur Fun. Si vous ne connaissez pas, écoutez, montez le son, ça cartonne. Felix Jen qui arrive sur Fun Radio. Bon. 6h56, soyez les bienvenus, bon réveil. Whispers about me, hurts. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think your rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Sur Fun, c'est Keisha qui arrive. Vous balance également le DJ Galantis et No Money sur Fun Radio. Bienvenue. Fun Radio. Fun. Juste avant ça, il est 7h. Bon réveil à vous sur Fun Radio. On s'informe en ce vendredi 12 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Selon le ministre des Finances, 4 milliards de recettes fiscales seraient bloquées à l'heure actuelle dans notre pays. Johan Van Overfeld a annoncé que le montant que le montant de 1,7 milliard d'euros concernait surtout des dossiers d'insolvabilité tels que des liquidations, des faillites ou encore des règlements collectifs de dette. La députée fédérale a suggéré une procédure de recouvrement harmonisée dans le but de rendre la perception des impôts plus efficace. À l'étranger, les deux présidents vénézuéliens et colombiens se sont réunis hier afin de parler de la réouverture de leurs frontières communes. Elles avaient été fermées il y a un an pour lutter contre la contrebande. La réouverture était attendue et devrait se faire progressivement dans les prochains jours. Il aura fallu 15 réunions afin d'obtenir cette rencontre au sommet. Les tensions entre les deux pays sont toujours d'actualité. Cependant, le Venezuela a rouvert sa frontière avec la Colombie pour permettre à la population de s'approvisionner suite à la crise économique. Et ce matin, plusieurs explosions ont touché différentes villes de Thaïlande. Ces attaques surviennent seulement 12 heures après la première explosion simultanée. Plusieurs personnes sont décédées dans ces différentes attaques. À l'heure actuelle, le bilan serait d'au moins 5 morts et de dizaines de blessés. Le chef de la junte militaire a dénoncé tôt ce matin cette volonté de semer le chaos dans le pays après cette série d'attaques. En sport, la gymnaste Nina Derwal a réalisé une belle performance au JO de Rio. Après avoir atteint la finale de gymnastique artistique, la jeune belge de 19 ans a décroché une belle 19e place au général. Pour notre nation, il s'agit de la meilleure place décrochée par une athlète belge dans des Jeux olympiques. La Belge a tout simplement brillé dans sa discipline et nous laisse entrevoir de nouveaux espoirs de médailles pour les prochaines grandes compétitions. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et cette femme qui n'a comme beaucoup pas supporté la double vie de son mari. Alors qu'elle rentrait chez elle en Thaïlande, la femme a retrouvé son mari en compagnie de sa maîtresse. Cette dernière a bien compris que l'épouse de son conjoint n'était pas contente puisqu'elle a pris la porte de sortie. La maîtresse s'est retrouvée seule, nue et en pleurs dans la rue. Les commentaires ont fusé sur la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, la femme a demandé le divorce. Quant à la maîtresse, elle a décidé de porter plainte. Dans quelques petits instants, c'est Fabien Feuillage qu'on va s'écouter sur Fun Radio. Oui, l'humoriste qui cartonne tous les matins dans Summer Fun. Jonas Blue côté son dance floor, Keisha ainsi que Galantis et Nomoni. Juste avant, côté météo, est-ce qu'on va aussi rire ce week-end ou est-ce qu'on va être plutôt content? On va rire plutôt avec de la pluie tout de même et des nuages en ce début de journée avant le retour de belles éclaircies sur tout le pays. Le mercure est lui en hausse, il devrait atteindre les 19 à 25 degrés dans l'entièreté du pays. En attendant, le son dance floor continue avec Soprano dans Summer Fun. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Cette heure-ci sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble sur Fun Radio avec Summer Fun, dans la bonne humeur, avec Kalentis et Nomoli. C'est les vacances, c'est l'été, vous écoutez Fun Radio et vous avez fait le bon choix. On démarre justement avec l'éphéméride du jour en ce vendredi 12 août 2016. Dernier jour de la semaine déjà, ça passe très très vite. Et déjà 225e jour de l'année. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Bonne fête si vous vous appelez Clarisse. Et puis des stars sont nées ce vendredi 12 août. Je sais pas si vous connaissez, certainement que oui, hein, le footballeur français Djibril Cissé. On a également l'acteur américain, j'adore cet acteur, c'est Peter Krause. On a le français et président français François Hollande, ça on le connaît tous évidemment. Et puis Julien Le Perse qui apparemment arrivera en Belgique à la rentrée. C'est une petite info exclusive qu'on a eue sur les réseaux sociaux. Ex-présentateur de Question pour un champion, c'est son anniversaire également aujourd'hui. Et puis si vous, c'est votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche et vous avez envie de le souhaiter à l'antenne ici sur Fun Radio, ça peut être toujours sympa d'ailleurs de souhaiter un anniversaire à l'antenne en direct à la radio, et bien vous vous inscrivez par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS en envoyant Anif dès maintenant, et moi je vous rappelle juste derrière. Et puis aujourd'hui, attention, c'est la journée internationale du mouvement de jeunesse. Alors si vous avez envie, et bien de venir réagir avec nous, si vous êtes scout, si vous êtes pas trop, si vous avez déjà justement et bien participer à un mouvement de jeunesse, venez nous raconter des petites anecdotes autour de ça. Ça se passe par SMS également au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Et puis aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner votre PC tablette 2 en 1 à Serwandi. C'est une petite tuerie d'ailleurs que je vous offre ce matin et que vous allez pouvoir vous emmener partout avec son écran 10 pouces. Mania pratique et surtout qui vous permet de rester connecté partout et tout le temps. Alors pour tenter de le remporter, vous envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et moi je vous rappelle tout à l'heure aux alentours de 9h15 pour vous offrir. C'est le dernier jour pour tenter votre chance pour repartir avec ce PC tablette 2 en 1 Acer One 10. Bonne chance à vous. Toutes les infos et détails dès maintenant, évidemment, sur funradio.be. Côté son dance floor, c'est Keisha qui arrive, ainsi que Galentis et Nomoni. Soyez les bienvenus. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Soyez quoi que vous fassiez pour l'instant, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Fun Radio, je m'appelle Anto et j'ai le meilleur du son dance floor pour vous ce matin. Avec dans un instant Jonas Blue et Perfect Strangers. Je vous parle de scoutisme ce matin vu que c'est la journée mondiale de la jeunesse. On a donc décidé de parler de mouvement jeunesse ce matin et puis de parler de plein d'anecdotes évidemment autour de cela vu que eh ben, ce sont des expériences de la vie dans lesquelles on partage évidemment plein de choses et on s'amuse. Vous avez envie de réagir à l'émission, c'est très très simple, ça se passe par SMS 3044 pour 50 centimes le SMS. Vous envoyez un petit message et puis moi je vous rappelle hors antenne pour venir ici à l'antenne de Fun Radio en parler. Ou bien encore ça se passe sur Facebook sur la page de Summer Fun. À l'instant c'est un Fabien Feyèche qu'on va s'écouter, un petit extrait du moins vu que Fabien Feyèche c'est l'humoriste qui vient tous les matins dans les mission pourrait bien nous faire un petit canular téléphonique comme ça. Et aujourd'hui on va parler de muscles car oui c'est vrai, dans la vie on a toujours besoin de quelqu'un qui nous aide eh bien à déménager quelque chose, à porter des choses lourdes, etc. Eh bien grâce à Fabien Feyèche ce matin on va trouver du muscle avec Monsieur Costaud. Allô. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feyèche. Oui. C'est qui au téléphone là, c'est le Costaud? Oui. Ah bon bah ça tombe bien hein, parce que moi j'ai besoin de vous là pour mon déménagement. Je

c'est un bon mélange d'œuf et d'œuf et de bière. Donc en fait, elle se lave les cheveux. Elodie, si je comprends bien ton message, avec de l'œuf et de la bière, ça pue, mais qu'est-ce que c'est efficace. Voilà le genre d'anecdote plutôt sympa qu'on peut avoir sur les mouvements de jeunesse. Et c'est avec ça que j'ai un peu de mal, j'avoue. J'ai jamais testé le scouting parce que ça n'a jamais été mon truc. Mais peut-être que ce matin, vous allez pouvoir me convertir à ça et me convaincre que ça peut être plutôt sympa. Si vous arrivez avant 9h, c'est un pari qu'on se lance, avant 9h à me donner envie d'y aller, eh bien, je vous promets qu'avant la fin de l'été, je passe 2 jours dans un camp scout. Et on vous mettra tout ça évidemment sur la page Facebook de l'émission. Un deuxième petit message qu'on a reçu cette fois-ci en message privé sur la page de Summer Fun. Il s'appelle Jean, il habite Soumagne et cela fait quelques années qu'il s'est mis au scoutisme du côté, mais qui s'en souviendra toujours de ce souvenir difficile au moment, mais tellement risible où j'arrive pas à lire. Il est animateur de sport, voilà. Il y en a un que je ne pratiquerai plus jamais, c'est le baseball. En effet, un nez cassé avec une batte, ça fait toujours mal, mais aujourd'hui c'est plutôt risible. ça peut être plutôt embêtant, en tout cas, mon cher Jean qui habite Soumagne. Vous avez vous aussi des petites anecdotes comme ça à raconter sur le scoutisme ou encore sur les mouvements de jeunesse. Ça se passe dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Et puis dans un instant, j'appelle l'un ou l'une d'entre vous pour souhaiter votre anniversaire. C'est l'anniversaire d'un proche. Vous avez envie qu'on lui souhaite dès maintenant en direct sur Fun Radio. Vous vous inscrivez par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS en envoyant anniversaire. À tout de suite. Salut Bompi, alors c'est vacances. Stop. D'ailleurs j'y retourne. Quoi, en Gamaïque? Oui, car Gama est ouvert ce dimanche 14 et il y a 40% de réduction sur les parasols, tonnelles et meubles de jardin. Ouais man, vive la Gamaïque. Conditions sur gama.be. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100€, vous recevez une réduction de... BAM 10€. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très waouh. Près de 2 millions d'euros à gagner. Jouez au loto. Le son Dance Floor. Fun Radio. C'est Fun Radio. I'm rolling down the river. My worries drown. They say that I'm a sinner. I won't let you down. Long nights chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. The air is filled with summer rain. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.

Merci d'être sur Fun Radio les amis. Je vous rappelle que je vous offre ce matin votre tablette PC 2 en 1 Acer One 10. Alors pour tenter de la remporter, vous envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Le chanteur espagnol Enrique Iglesias, déjà 41 ans, il fait chavirer le cœur des femmes depuis toujours. Duele el corazón, c'est ce que je vous diffuse juste après les infos sur Fun. À 7h31 sur Fun Radio, comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Les comptes à vue des ménages belges seraient en hausse selon les derniers chiffres. Ils auraient tout simplement triplé en l'espace de 2 ans. Ces montants qui atteignent les 5300 euros seraient liés au taux ultra bas sur les comptes d'épargne classique. Les quotidiens rapportent l'analyse des banques selon laquelle de plus en plus de ménages estiment en raison des taux à 0,11% sur la plupart des comptes d'épargne classique et qu'il est inutile de transférer leur argent sur leur compte épargne. À l'étranger, le Nigeria a enregistré 2 nouveaux cas de polio ces dernières semaines. C'est la première fois que le pays est touché depuis 2014. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé un revers sérieux pour ce pays qui espérait avoir éradiqué la maladie. 2 enfants ont été touchés par ce virus mortel et dévastateur. Le pays avait pourtant été retiré de la liste des pays où la poliomyélite était considéré comme endémique. C'est donc un coup dur pour le Nigeria. La multiplication de l'usage présumé d'armes chimiques en Syrie alarme les États-Unis. L'administration américaine décline à chaque fois d'être interrogée sur les acquisitions de recours à l'arme chimique dans le conflit syrien. La diplomate américaine n'a pas voulu confirmer l'attaque chimique à Alep, mais elle a souligné que les États-Unis étaient très préoccupés par l'augmentation du nombre d'allégations d'usage d'armes chimiques ces dernières semaines. Mercredi dernier, une attaque chimique a causé la mort de 4 personnes. En sport, les Red Lions continuent leur beau parcours au tournoi olympique de hockey. Après avoir remporté leurs 3 premiers matchs dans la phase de poule, ils se sont à nouveau imposés hier soir. Les Belges l'ont emporté sur le score de 3-1 face à l'Espagne. Ils continuent leur beau parcours olympique avec un invité de marque hier lors du 4e match et le retour sur le terrain d'un des meilleurs joueurs, à savoir Tom Boone. Les Belges rencontreront aujourd'hui la Nouvelle-Zélande avec comme objectif la première place du classement. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et ce véritable exploit qu'a réalisé Jamie Andrew. L'Écossais a réalisé le 4 août dernier l'ascension de la montagne mythique des Alpes suisses. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais ce qui suit est plus que surprenant. L'homme a en effet grimpé cette montagne en étant amputé des bras et des jambes. Il aura fallu à l'homme plus de 12 heures pour monter et descendre. Il était suivi par 2 guides et a réalisé cet exploit à l'aide de prothèses. Fun Radio. Dans un instant, c'est Alice DJ qui arrive sur Fun Radio. On aura également côté Sun Dance Floor, Dua Lipa et Other Than Elle. Juste avant, côté météo, Florence, est-ce qu'on va avoir du soleil ce week-end? On va avoir du soleil ce week-end avec tout d'abord une période de pluie et de nuages avant le retour des éclaircies. Le mercure est lui en hausse, il devrait atteindre les 19 à 25 degrés sur l'ensemble du pays. Le Sun Dance Floor continue, il revient avec Enrique Iglesias sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Fun Radio. Fun Radio. Fun, Fun Radio. Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Ensemble sur Fun Radio, on démarre la journée également ensemble, dernier jour de la semaine en plus, vendredi 12 août, qu'on passe sur Fun Radio à 7h40 avec Dua Lipa et Odor Dan L dans un instant. On parle des mouvements de jeunesse et des scouts ce matin, car c'est la journée mondiale de la jeunesse et franchement j'ai jamais été attiré par le scoutisme. Vous imaginez un peu, tu perds quand même tout ton confort, ton petit lit, ta petite chaleur, ton petit machin pour aller dans une forêt, pour aller faire des activités dans la boue, etc. Ça peut être plutôt sympa et d'ailleurs c'est le challenge que je me lance aujourd'hui. Donnez-moi envie d'aller faire du scoutisme en vendant vos activités, votre justement mouvement de jeunesse à fond par téléphone au 3044 par SMS, donc pour 50 centimes le SMS, ou encore via la page Facebook de l'émission. On a Arnaud qui est avec nous ce matin, il a 14 ans, il habite Charleroi. Salut Arnaud. Salut. Comment ça va bien ce matin? Super. Alors merci de nous écouter ce matin en tout cas. Toi tu es venu nous parler ce matin d'une petite anecdote qui t'est arrivée en étant bien éclaireur. Oui, et c'est ça. Alors dis-nous, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on arrive le premier jour du camp, ils nous avaient fait de la soupe, parce que c'était le premier jour du camp, tout le monde avait fait déjà de la soupe. Il nous a fait, et lui dit rien, on boit, et la soupe, elle commence à arracher, elle était hyper piquante. Ils avaient truqué la soupe. Et alors, après, il vient de nous dire, ouais, en fait, tellement que cette pile dans la tendance, on n'a pas vu, on a fait tomber le poire qui était ouvert dans la soupe. Ah, zut. Et il n'avait pas remarqué. Donc tout le monde a eu une soupe super corsée pour le premier jour de camp. Exactement. Et ça, c'est plutôt l'anecdote qu'on peut évidemment se souvenir. Tu fais du scout dans quel coin, toi, Arnaud, du côté de Charleroi? Moi, je fais de Gilly, oui, à Gilly. Près de Gilly, donc. Eh bien, je te fais des bisous, Arnaud. Merci de nous écouter ce matin. Vous aussi, vous avez une anecdote plutôt originale comme Arnaud a nous raconté ce matin au niveau du scoutisme, au niveau des mouvements de jeunesse. Ça se passe par SMS au 3044. On continue à rire, évidemment, dans un instant avec Fabien Feyège, qui est notre humoriste du matin, qui est quelqu'un qui appelle voilà, des inconnus par téléphone pour les faire craquer. Et franchement, aujourd'hui, on va beaucoup rire parce qu'on parle de muscles. On a tous besoin. Et bien de quelqu'un un peu de fort dans la famille, un peu de fort pour s'entraider. Et bien Fabien Feyesh a trouvé pour nous Monsieur Muscle ce matin. Allô? Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feyesh. Oui. C'est qui au téléphone là? C'est le costaud? Oui. Ah bon bah ça tombe bien hein, parce que moi j'ai besoin de vous là pour mon déménagement. Je comprends pas, vous êtes qui? Là au téléphone là, c'est Fabien Feyesh. Parce que vous c'est vous le costaud? Oui, je m'appelle monsieur Costaud, Franck Costaud, oui. Ah bon bah super, parce que comme vous êtes costaud ça m'arrange. Parce qu'en fait moi j'habite au 8ème étage sans ascenseur. Et pour le déménagement je vais galérer quoi. Non mais je fais pas de déménagement monsieur. Oui mais vous, non, oui d'accord mais vous êtes costaud. Donc moi non, ça m'intéresse. Vous comprenez pas, je fais pas de déménagement du bah. Tout. Allô? Allô? Oui, coucou là, c'est encore Fabien Feyesh là. C'est le costaud au téléphone? Oui, mais je fais pas de déménagement monsieur. Ouais, non mais parce que je vous explique pourquoi j'ai besoin d'un costaud. C'est parce que j'ai un piano à descendre là, et le piano faut se le farcir. Je fais pas de déménagement, monsieur, je ne fais pas de déménagement. Ouais, okay d'accord. Non parce que, ouais mais moi seul j'ai pas le piano, je pourrais pas me le faire. Mais je fais pas, monsieur, je fais pas les pianos, je ne fais pas de déménagement, vous comprenez ou pas? Vous comprenez le français quand je vous dis je ne fais pas de déménagement? Oui, non mais d'accord, mais vous êtes costaud. C'est mon nom de famille monsieur. Ouais. Vous appelez costaud, vous êtes pas costaud? Mais non, je suis normal, je dois être comme vous. Non, ah, donc vous êtes pas costaud? Non, écoutez, j'ai pas envie là. Bah. Allô? Oui, coucou là, c'est Fabien Feyesh. J'ai pas eu le temps de vous donner mon adresse. Alors, donc j'habite au 14 rue. Je ne veux pas ton adresse. Oui, mais c'est à l'angle du boulevard Victor Hugo. Oui. Oui, Je ne ferai pas ce déménagement, tu comprends ça? Mais oui, non mais parce que, juste savoir, est-ce que c'est possible? J'en ai rien à foutre, je suis pas déménageur, espèce de débile. Mais je m'appelle costaud, je ne ferai pas ton putain de déménagement. Allô? Allô? Oui, le costaud? Oh putain! Le truc que je me disais, c'est si c'est possible en fait que vous récupériez les... Je ne ferai pas ton déménagement! Je ne ferai pas ton déménagement! Mais si! Mais non mais... Ça va durer... Je ne ferai pas ton déménagement! C'est pour ça, c'est un petit... Parce que... Fabien Feyesh, Fabien Feyesh. Je ne ferai pas ton déménagement! Mais si! Mais non mais... Ça va durer... Je ne ferai pas ton déménagement! C'est pour ça, c'est un petit... Parce que... Je pense qu'il a été costeux sur ce coup-ci, Fabien Feyesh. Merci de vous réveiller sur Fun Radio. Imani, Don't Be So Shy, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Juste avant, c'est Dua Lipa et Other Than Hell sur Fun. Et ouais. Et ça arrive juste après ça. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Mais lève-toi alors. Yes! Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. L'été. El verano. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Let's go. Let's go. Fun Radio. Fun! Le son dance floor. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock. He can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me. With my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, it's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm a matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. On termine la semaine ensemble, on démarre le week-end également avec dans un instant côté son dance floor Imani et Don't Be So Shy sur Fun. Le temps pour nous d'accueillir Maxime qui habite du côté de Charleroi. Salut Maxime. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Alors tu nous as appelé, tu nous as envoyé un petit message au 3044 pour souhaiter un bon anniversaire à ta tante qui s'appelle Chantal et qui fête 50 ans aujourd'hui, un âge super important. Je te propose Maxime d'appeler Chantal en direct ce matin pour pouvoir ensemble lui souhaiter un bon anniversaire. Ça va composer le numéro. On va appeler en direct. Alors, Chantal qui va arriver dans quelques petites secondes. Maxime, est-ce que tu as une activité, une chose de prévue pour Chantal ce matin? On a déjà fêté son anniversaire la semaine passée. Ah, carrément, c'est déjà fait. Alors, ça compose, ça Chantal. Enfin, j'espère. On est en train de tester le standard ce matin. Chantal, es-tu là, ma Chantal? On peut également souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui, Florence, à quelqu'un qu'on connaît très bien ici dans l'équipe, parce que c'est simplement notre réalisateur Étienne qui aujourd'hui fête son anniversaire. Étienne, comment ça va ce matin? Puisque tu es là avec nous. Ça va très bien. Ça va très bien. Eh bien, en fait, ton anniversaire ce matin, quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 24 ans. 24 ans, mais quel vieux, oh là là, quand même. Eh bien, on peut mettre une petite musique, non? Tant qu'on y est. Allez, attention tous pour Étienne. Un joyeux anniversaire. Bon anniversaire mon Étienne, on va fêter ça tout à l'heure parce que justement, on ouvre l'émission d'auditeurs, vous avez envie de venir faire de la radio avec nous, ça se passe entre 8h et 9h ici à l'avenue Télémac 33 de Forêt pour eh bien pouvoir ensemble et qu'allais-je dire? Eh bien fêter aussi l'anniversaire de notre ami Étienne. Apparemment Chantal elle répond pas pour l'instant. On va essayer de la rappeler juste après mon Maxime, tu restes avec nous. On va te reprendre hors antenne dans un instant. Vous aussi vous avez envie de passer à l'antenne pardon et de parler du sujet du jour qui est le scoutisme et les mouvements de jeunesse. Comment ça se passe? Ça se passe par SMS au 3044. Et puis vous avez envie qu'on souhaite l'anniversaire d'un de vos proches très rapidement la semaine prochaine, pourquoi pas, ou encore durant l'été. Comment ça se passe pour s'inscrire? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night, all summer.

son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. If you're sexy and you know it, put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Girl, put your hands up in the air. Vous êtes sur Fun Radio, il est presque 8h. Dans un instant, c'est le duo de Chainsmokers et Daya Don't Let Me Down qui arrive. Le temps pour nous d'accueillir Maxime qui voulait souhaiter un bon anniversaire à sa tante Chantal. Ça va toujours Maxime ce matin? Ouais, ça va. Est-ce que toi tu as déjà fait partie d'un camp scout ou d'un mouvement de jeunesse? Non. Jamais. Eh bien peut-être que ce matin on va pouvoir te convaincre ensemble de pouvoir eh bien participer à ça. On va appeler en direct ta tante Chantal qui fête donc ses 50 ans ce matin. On l'appelle. Allô. Ah, salut Chantal, comment ça va ce matin? Allô, ça va très bien, merci. Il y a Maxime. Bonjour. Qui est avec nous par téléphone. Ah, allô Chantal. Oui. Ça va? Ben oui, toi. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire en direct sur Fun Radio. Ben ça c'est gentil. Bon anniversaire Chantal. Merci, merci, merci. 50 ans ça se fête évidemment. Et puis quelle belle surprise que nous fait ton Maxime ce matin pour te souhaiter eh bien tout cela en direct sur Fun Radio. Est-ce que t'as prévu quelque chose, peut-être une journée particulière pour ces 50 ans? Ah ben j'attends qu'on m'invite, on verra bien. Je sais pas ce qu'on va me prévoir. Eh ben, écoute, c'est une surprise. Nous on t'invite ici dans l'émission aujourd'hui puisqu'on ouvre l'émission entre 8h et 9h aux auditeurs pour en plus faire un petit déjeuner tous ensemble après grâce à la boulangerie L'Artisan. Donc tu es la bienvenue et toi aussi Maxime aujourd'hui entre 8h et 9h. Oh ben merci, c'est gentil. Je vous fais des bisous à tous les deux. Excellente journée à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Et merci mon caillou. Bisous, bisous. Je t'aime. Merci. Oh, c'est mignon. Bisous Maxime, bisous Chantal. Merci, à très bientôt. Merci, bonne radio. Merci. Vous avez vous aussi envie de réagir avec nous, de venir à l'antenne de Fun Radio pour parler du scoutisme et des mouvements de jeunesse? Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun. On en parle juste après ça. Fun Radio. Il est 8h tout pile sur Fun Radio. Debout tout le monde, on s'informe en ce vendredi 12 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le nombre de prépensions dans le pays a atteint son niveau le plus bas depuis 1980. Fin juin, 94 980 personnes bénéficiaient du régime du chômage avec complément d'entreprise. Durant le premier semestre, la baisse du nombre de prépensionnés, moins 6,7%, a été supérieure à celle enregistrée durant l'année 2015. Cette décrue serait dû au durcissement des conditions d'octroi du régime adopté par le gouvernement Michel. À l'étranger, des inondations touchent actuellement la Birmanie. Elles sont causées par des averses incessantes dans plusieurs régions du pays depuis 6 semaines. 420 000 personnes ont dû être déplacées par précaution. Le nombre de victimes ne cesse, lui, d'augmenter. On compte à l'heure actuelle au moins 6 décès. Les eaux commencent à descendre dans les régions du pays. Les inondations sont fréquentes dans le pays depuis de nombreuses années. La police fédérale canadienne a abattu mercredi un jeune Canadien de 24 ans. On apprend aujourd'hui qu'il aurait plaidé allégeance au groupe État islamique dans une vidéo. Cette dernière a été interceptée par le FBI américain qui a alerté la capitale canadienne. L'homme a été abattu par la police alors qu'il se trouvait dans un taxi par les forces d'élite. Le Canada, qui est à son tour touché par les menaces terroristes qui s'étalent désormais au monde. En sport, la Belge Lian Tan a échoué dans son premier match de badminton aux Jeux Olympiques. Elle s'est inclinée sur le score de 2-1 face à l'Américaine Wang. La Belge, médaille d'argent aux Jeux Européens de Kazan, rencontrera cette nuit la championne olympique en titre avant d'être opposée à la Portugaise 71e mondiale. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Après plusieurs années de vélo d'appartement, un homme en a eu marre. Il a dès lors décidé de pratiquer son activité avec un autre panorama. L'homme a en effet décidé de connecter son casque de réalité virtuelle à la base de Google Street View. Grâce à cela, le Britannique a parcouru quelques 1500 km en visitant son pays d'ouest en est et du sud au nord. Une idée pour le moins originale qu'il souhaiterait poursuivre au travers d'un blog. Le Britannique espère même que son projet verra un jour le jour au Japon. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est le DJ Bob Sinclair, Someone Who Needs Me qui arrive sur Fun Radio. On va également danser avec Deoro et Elvis Crespo, Bailar, c'est ce que je vous cale. Juste après la météo, Florence, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui? De la pluie et des nuages avant le retour des éclaircies. Le mercure est lui en hausse. Il devrait atteindre les 19 à 25 degrés sur l'entièreté du pays. Summer Fun continue avec le son Dance Floor de The Chainsmokers sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Don't let me down. now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Je vous offre ce matin votre tablette PC 2 en 1 Acer One 10. Alors pour tenter de le choper, vous envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Côté Stand and Floor, c'est Bob Sinclair qui arrive dans la suite avec son titre, son tube même, Someone Who Needs Me. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et juste avant ça, on commence la journée, cette nouvelle heure de 8h avec l'éphéméride du jour. Nous sommes déjà le vendredi 12 août, l'été passe très très très très vite. Dernier jour de la semaine, 225e jour de l'année. Bonne fête aujourd'hui si vous vous appelez Clarisse. Et puis des stars sont nées ce vendredi 12 août. On connaît tous évidemment le footballeur français Djibril Cissé qui fête son anniversaire aujourd'hui. L'acteur américain Peter Krause. On a également le président français, oui oui, François Hollande qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ainsi que Julien Lepers, ça vous connaissez Julien Lepers, l'ex-présentateur de questions pour un champion qui apparemment pourrait arriver ici en Belgique. C'est une information exclusive qu'on vous donne ce matin. Affaire à suivre donc. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jour, journée mondiale de la jeunesse. Vu qu'aujourd'hui on parle des scouts dans l'émission, en plus ça tombe bien. Vous aussi, vous avez déjà fait partie d'un mouvement scout ou vous avez des anecdotes par rapport à des mouvements de jeunesse auxquels vous avez participé. Venez nous en parler ce matin par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission Summer Fun au 3044 pour 50 centimes le SMS. D'ailleurs, moi j'ai jamais été attiré par ça. Peut-être que vous allez pouvoir me séduire. Est-ce que vous allez pouvoir me convaincre d'aller dans un camp scout? Eh bien, je compte sur vous. Et ça se passe juste avant 9h. J'ai reçu plein de petits SMS. Je vais les lire dans un instant. Juste avant, c'est Bob Sinclair, Someone Who Needs Me sur Fun. Écoutez Fun Radio, il est 8h11. Deoro, Elvis Crespo, Bailar, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Le temps pour nous de jouer au Battle Fun. Le principe très simple, vous allez devoir reconnaître le titre ou encore l'artiste qui interprète le petit extrait que notre réalisateur a modifié. Le principe donc est très simple, vous réagissez par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis si vous trouvez la bonne réponse et vous êtes sélectionné, vous repartiez avec des places pour le parc d'Urbouille Aventure qui maintenant s'appelle La Petite Merveille. Écoutez bien. C'est facile. Still holding on to something, you should go and love yourself. Vous avez reconnu qui interprète ce morceau ou encore quel est le titre de celui-ci? On réécoute une deuxième fois. Vous réagissez par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Still holding on to something, you should go and love yourself. Vous avez quelques minutes pour réagir. Bonne chance. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son dance floor. Comment bien acheter quand on voit la vie en rose? Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze, bien acheter, bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Bonnes vacances. Speaking. Avec Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Dios se divana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. Démarrez votre journée sur Fun Radio 8h15 dans un instant. Ah, c'est me faire plaisir avec DJ Snake et Talk sur Fun. Le temps de lire quelques petits messages, quelques petites réactions que j'ai reçues par rapport au sujet du jour. On parle de scoutisme et de mouvement de jeunesse aujourd'hui. On a Axel, 22 ans, qui habite Baptiste, qui dit: un journaliste est venu à un camp pour faire un article et il s'est assis sur une chaise et la chaise a pété. C'était trop drôle, ça devait être original en tout cas. On a Sacha qui habite Jeanblou: lors d'un feu de camp, les voisins qui étaient pas très loin ont cru qu'il y avait le feu et les pompiers sont venus l'éteindre. On s'est fait engueuler après ça. Bah tu m'étonnes, hein, faire déplacer les pompiers c'est quand même pas quelque chose de drôle. Marie, 22 ans d'Arlon, a 15 ans pendant un hiver. On a fait un camp de survie et on a rencontré d'autres scouts. 7 ans après, un de ses scouts est devenu mon collègue. Oh, c'est tellement mignon, t'imagines? Même peut-être rencontrer son amour sur un camp scout, ça peut être mignon aussi. Et puis on a Sophie sur la page Facebook de l'émission qui envoie: en colo, on avait fait des andouilles au coucher et les monos nous avaient punis en allant faire un cross de nuit sur la plage. Bon, punition, il y a pire hein, quand même. On avait joué le jeu et on a piqué un sprint au large pour larguer la mono. Repuni après, évidemment, mais c'était très très drôle. Vous aussi, vous avez envie de réagir à l'émission et parler d'anecdotes comme ça qui vous sont arrivées? Ça se passe par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Et puis je vous rappelle que je vous offre ce matin la tablette PC 2 en 1 Acer One 10. Pour la remporter, vous envoyez PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Voici The Superman Lovers sur Fun. Sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Me. 8h22 sur Fun Radio, merci d'être là. Face et Afrojack, hey, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que j'ai du cadeau pour vous ce matin. Je vous offre une entrée pour partir du côté du parc d'Urbu Aventure qui maintenant s'appelle La Petite Merveille. Le principe pour tenter de le remporter, c'est très simple. Vous allez devoir reconnaître le titre de l'artiste que je vous passe maintenant ou encore le nom du chanteur. Vous devez reconnaître cet extrait qui a été un peu modifié par notre réalisateur Étienne. Écoutez. Allez, j'ai quelques indices. C'est un chanteur canadien évidemment qui est beau gosse à plein temps. Vous le connaissez. Il a commencé très tôt sa carrière, on va réécouter une deuxième fois. Et puis dernier indice, là vous devez retrouver. Il a été découvert par Usher entre 2008 et 2009. Qui se cache derrière ce titre? Vous avez la réponse, vous pensez avoir la réponse. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, bonne chance. J'ai envie de sortir, de faire la fête. C'est l'agenda du week-end sur Fun Radio. Avant ça, on fait un tour du côté de l'agenda. Ça se passe ce samedi pour un afterwork pop-up du côté du Sablon. Line-up branché et possibilité de manger sur place, mais uniquement sans réservation. Ça se passe du côté de la belle place du Grand Sablon. Plus d'infos sur popupsablon.be. Ce 13 août également, DJ Flash, DJ Fusion, mais aussi notre ami Evan qui enflammera les platines pour mettre une ambiance de feu. Vous donne tout droit rendez-vous au 26e bal hawaïen Party Fun Live d'ailleurs, avec hôtesse, cadeau et son dance floor à la clé. Les préventes sont au prix de 7 €. Vous retrouvez dès maintenant toutes les infos d'ailleurs sur Facebook, sur la page du comité des jeunes old. Et soirée spéciale Martini Night ce soir au Cactus Club. Ça se passera évidemment du côté du boulevard du Souverain 147 à Odergame. D'ailleurs, vous recevez même une coupe de Martini Brut dès que vous arrivez pour bien commencer la nuit. Ouverture des portes dès 22h30. Plus d'infos sur info@cactus-club.be. Et puis on n'oublie pas la flash ce dimanche qui se met aux couleurs d'alerte à Malibu. Venez rejoindre les sexy maîtres danseurs sur la piste de danse ou bien venez simplement siroter un des délicieux cocktails sur le bar d'été. Profitez car le lendemain c'est férié, car oui, lundi nous sommes le 15 août. Ça se passe du côté de la rue Duquesnoy derrière la Grand Place à Bruxelles, avec au platine DJ Alex Chesco et Milo Savic. Tout ça et bien plus, toutes les infos de l'agenda du week-end, ça va retrouver dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Dans un instant, c'est le duo Face et Afrojack sur Fun avec Hey. À tout de suite. Par Idéfix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Découvre notre box collector à 4,99€, remboursé en points sur la carte de fidélité jusqu'au 18 juillet. Dans les supermarchés Matches Match, Louis Delhaize et dans les hypermarchés Cora. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture? Et quelle voiture? Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. She's Miss California. Heard of me and wants to lay. Housing by the water. Save the yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's a fairy scene. Loves to be surrounded. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Part of me wants to lay. Pourquoi? She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. She's Miss California. Part of me wants to lay. Housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive to Marinello. Hollywood's a fairy scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire, mais je résiste. Loin de toi. Pourtant même si tout nous oppose, she's Miss California. Summer Fun. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey. Hey, hey, hey, I said. Sur Fun Radio, on continue à parler du scoutisme et des mouvements de jeunesse. Vous avez envie de réagir, ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et côté son dance floor, c'est Milo et les Major Lazer qui arrivent. Et juste avant ça, il est 8h31 sur Fun Radio. On s'informe en ce vendredi 12 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. L'emploi a augmenté dans le secteur industriel au cours de ce premier trimestre de l'année. C'est la première fois en 5 ans que ce chiffre est en augmentation. 700 postes ont été créés. L'industrie chimique observe également une augmentation du nombre d'emplois depuis un an. Deux facteurs sont mis en avant. Il s'agit de la réduction du handicap salarial et de la reprise économique au niveau européen. À l'étranger, la Nouvelle-Calédonie a été victime d'un violent tremblement de terre. Un séisme d'une magnitude de 7,2 a secoué le pays. Aucune alerte de tsunami n'a été lancée dans la région touchée. Les tremblements de terre sont récurrents dans le pays. La secousse n'a pas touché d'îles aux alentours. Pour le pays, il s'agit d'un léger séisme qui ne devrait pas faire d'énormes dégâts. L'empereur Akihito a annoncé son envie de transférer une partie de ses obligations à son fils. L'homme de 82 ans est soutenu par 90% des Japonais. Un débat a lieu actuellement au Japon sur le droit ou non d'abdiquer. Dans le pays, il est impossible d'abdiquer lorsque l'empereur est toujours en place et vivant. C'est au gouvernement et au parlement de prendre des initiatives afin de modifier la loi actuelle de la maison impériale. En sport, Michael Phelps continue d'engranger les médailles aux Jeux Jeux Olympiques. Cette nuit, il a remporté sa 4e médaille en or lors des Jeux Olympiques de Rio en s'adjugeant le 200 mètres 4 nages, une médaille qui s'ajoute à son compteur pour atteindre les 22 médailles d'or. Il devient le recordman absolu de médailles aux Jeux Olympiques. L'Américain est encore en liste pour obtenir de nombreuses médailles supplémentaires. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et l'impatience qui amène parfois à de belles surprises, histoires ou encore vidéos. Un vacancier bolivien était certainement pressé au point de courir sur le tarmac de l'aéroport de Madrid. L'homme est arrivé en retard et n'a pas voulu laisser partir son avion. Pour ce faire, il a enfreint les règles de l'aéroport en parcourant la piste à pied. Le vacancier est parvenu à ses fins et a pu rentrer dans l'avion. Arrivé à destination, il a été interpellé par la sécurité, une impatience qui risque tout de même de lui coûter très cher. Fun. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, côté Sundance Floor, c'est les Major Lazer qui arrivent, ou encore Milo, juste avant, côté météo. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Florence, ce week-end? Oui, des bonnes nouvelles avec tout d'abord de la pluie et des nuages, mais le retour des éclaircies dans le courant de la journée. Le mercure est en hausse, il devrait atteindre les 19 à 25 degrés dans l'ensemble du pays. Le Sundance Floor continue avec Justin Timberlake dans Summer Fun. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. When you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. My blood is rushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep. 5h38 sur Fun Radio. Milo, Holy God Moon, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de vous rappeler le Battle Fun du jour. Le principe c'est très simple, vous devez reconnaître l'artiste ou encore le titre de la chanson qui a été modifiée par notre réalisateur Étienne. Écoutez, c'était le Battle Fun du jour. Avec comme indice, chanteur canadien qui a commencé très tôt sa carrière, qui est beau gosse à plein temps et qui a été découvert par Usher entre 2008 et 2009. On a Micheline qui est avec nous par téléphone, elle a 50 ans et elle habite du côté de Wii. Salut Micheline. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? En forme. Ça va très bien, on termine correctement la semaine ensemble en écoutant Summer Fun. Micheline, tu as envoyé un petit SMS au 3044, quelle était la réponse? Justin Bieber. On vérifie ensemble. Et je pense que c'est une bonne réponse, c'est gagné Micheline, bravo. Génial, merci. Tu repars avec ton entrée pour Durbuy Aventure qui maintenant s'appelle La Petite Merveille. Je t'envoie tout ça à la maison du côté de Wii. Et dis-moi, est-ce que tu as peut-être fait partie d'un mouvement de jeunesse étant plus jeune? Oui, dans les années 80, j'étais au Patro et on faisait souvent des camps et des choses comme ça, quoi. Ouais. Et un jour, ben voilà, j'étais avec des jeunes et on s'est un petit peu perdu. Mm-hmm. Pas de GSM à l'époque. Bah oui. Et il n'y avait qu'une maison aux alentours et c'était une vieille dame. Mais le problème, c'est que la dame ne savait pas où elle habitait parce qu'elle souffrait d'Alzheimer. Ah. Donc, nous étions pas c'était très prêts, pratique, ça. Voilà. Et vous avez fait comment, alors? Ben, nous avons continué notre chemin et finalement on est retombé sur une maison et on est retombé sur la bonne route, quoi. Donc vous êtes carrément laissé à vous-même dans les bois, vous devez vous retrouver tranquillou, sans pression. Voilà. Eh ben justement, vous aussi, comme peut-être, ça me donne envie ça peut-être d'essayer, parce que ce matin mon dilemme, Micheline, c'est de pouvoir me convaincre d'essayer le scoutisme et d'essayer le patro, d'essayer un mouvement de jeunesse, c'est pas trop mon truc, et donc j'ai envie que vous me donniez envie ce matin, vous chers auditeurs, à essayer tout ça. Eh ben c'est plutôt pas mal, je trouve, de devoir se retrouver en forêt. Je te fais des bisous, Micheline. Je te souhaite une excellente journée, puis on se retrouve très bientôt à l'écoute de Summer Fun. Vous aussi, les amis, vous avez une anecdote à raconter par rapport à vos années, à vos expériences, ou encore maintenant, simplement au camp scout que vous faites pendant l'été. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Je lis tout votre réaction dans un instant, ou encore via la page Facebook de l'émission. On va également parler dans un instant de Ultimate Cheer, c'est une société qui propose des baffles portables avec notamment l'URL 2 que je vais vous offrir tout ce week-end et durant la semaine prochaine. On en parle avec eux dans le What Is That dans moins de 5 minutes. A tout de suite. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100€, vous recevez une réduction de... BAM 10€. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Le son Dance Floor. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be

est sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble et on la termine aussi, hein. Le week-end approche à grands pas. On se console évidemment avec Lunch Money et Whip It dans un instant à 8h53. Les sorties, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Avec le What is that du jour, un petit erreur de jingle, c'est pas très grave. Le What is that du jour qui s'intéresse à l'Ultimate Heroes, une société plutôt sympa que nous présente ce matin Sébastien Mazet. Salut Sébastien. Bonsoir, bonjour. Pardon, comment ça, bonjour. Comment ça va bien ce matin? Tu es déjà en week-end toi Sébastien, ça fait. Quand on regarde. Déjà, tu vois, c'est déjà l'ambiance du fun que j'écoute depuis quelques minutes qui met dans l'ambiance. Je vois ça en tout cas. Alors tu es le porte-parole en tout cas de Ultimate Heroes. En quelques mots, comment on peut décrire cette société? Alors Ultimate Ear, c'est une société audio, marque audio, qui existe depuis 20 ans, c'est un fort héritage dans ce domaine, puisqu'on équipe depuis 20 ans nombreux artistes sur scène à travers le monde. Aujourd'hui, on propose une gamme d'enceintes Bluetooth grand public, au design abouti, avec des innovations permanentes. Gamme d'enceintes Bluetooth qui a, je peux le dire, transformé la façon de consommer la musique aujourd'hui, puisqu'on est... Aujourd'hui, on propose une gamme ultra compacte, ultra nomade, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent emmener leur musique partout avec eux. Et surtout, super design. On peut le voir d'ailleurs sur le site internet qu'on va vous publier dans quelques instants sur Facebook. Vous avez plusieurs modèles plutôt sympas pour l'instant, comme lui ou Megaboom, ou encore lui et Roll même. Oui, on a trois produits aujourd'hui de la gamme, trois enceintes, donc on a Yui Boom 2, Yui Mega Boom et Yui Roll 2, qui sont des produits qui diffusent un son à 360 degrés, qui ont jusqu'à 20 heures d'autonomie, 30 mètres de portée de Bluetooth, donc ce qui peut permettre effectivement de faire des grandes parties des grandes soirées à l'extérieur. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'elles sont surtout étanches, elles résistent à l'eau, vous pouvez effectivement les mettre à côté de la piscine et les emmener à la plage sans craindre de les abîmer, et elles résistent au choc. Mais donc elles sont parfaites pour des situations... Et des situations extrêmes, donc vous emmenez votre musique partout avec vous, sans craindre de l'abîmer, sans craindre de la mettre sous l'eau. Voilà. Mais non, elles sont parfaites concrètement. Quand on écoute ce que tu nous dis ce matin, c'est le produit à avoir avec soi. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler de Louis Roll 2 parce que justement on va vous en offrir tout ce week-end. Et qu'est-ce qu'on a comme petite particularité sur ce produit? Alors c'est vrai qu'on a le plaisir de pouvoir offrir à vos auditeurs la Louis Roll 2 qui est le dernier né de la gamme. Alors c'est une petite enceinte, la plus petite enceinte qui est ultra nomade, ultra compacte, au design ultra innovant et tendance, qui se décline en 5 coloris. Elle est étanche, donc là vous allez, comme je disais, pouvoir en mettre partout avec vous. Elle a 9 heures d'autonomie, donc ce qui laisse le temps de faire une belle soirée. 30 mètres de portée, et puis deux particularités, elle est dotée d'un petit cordon élastique qui permet de l'accrocher à sa ceinture, à son sac, donc vraiment de pouvoir la balader partout. Et puis elle est aussi livrée avec une petite bouée qui permet de la faire flotter dans une piscine ou ailleurs. Ah, sérieux? Donc petite bouée qui va flotter. Donc on va pouvoir l'emmener effectivement partout sur la piscine. On va pouvoir profiter, nager et avoir sa musique sans problème. Donc c'est le produit qu'il faut avoir pour l'été, je pense. Et ça, je pense aussi. Voilà, donc pour l'emmener dans toutes les aventures. Et que justement, grâce à toi Sébastien, on va offrir à nos auditeurs durant tout ce week-end. Tirage au sort la semaine prochaine. Comment participer? Comment tenter de le remporter? C'est très très simple. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio. Vous partagez le statut, vous likez la page et puis vous notez en bas en commentaire avec qui vous aimeriez profiter de la musique du Sundance Floor grâce à cette Huey Roll 2, et nous on vous l'offre toute la semaine prochaine. Un grand merci Sébastien. On peut retrouver peut-être un site internet où on trouve toutes les infos de vos produits. Donc vous pouvez trouver toutes les infos sur ultimateears.com. On a aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, mais toutes les infos sur ultimateears.com, c'est les infos produits mais aussi pour pouvoir acheter nos produits. Voilà. Effectivement, et on va publier le site également sur la page Facebook de Summer Fun. Un grand merci Sébastien, voilà. Et puis à très bientôt. Merci à toi, merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt, excellent week-end. Vous avez envie donc de remporter cette Huey Roll 2, vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio, vous partagez, vous likez et vous commentez. On vous offre tout ça dès la semaine prochaine. Côté sur Lens Floor, c'est Lunch Money et Chloé and Collides qui arrivent avec Whip It. 8h57, vous êtes sur Fun. We can go all night, so don't be shy. I'm about to blow your mind. Come on, baby, whip it one more time. Just hold on tight, gonna be a bumpy ride. Come on, baby, so whip it. Oh yeah. Child. Oh, whip it, oh, whip it. It's that vibe, your intimidation. So move your hips, move your whip, and whip it. 1, 2, 3, 4, you ain't never heard nothing like this before. Bruce Lee, man, I got the glow. Got the hands in the air when I'm at the show. Oh yeah, Black Rob, girl, that body, whoa. I love when you move it slow. I love when you take it low. Real girls get down on the floor, you know. I whip it real good. Whip it real good. Front day, back to your hood. She know I got the good wood. Hop in, cause the car ain't running and you can't see me, cause the window tinted. Anything you want, girl, go get it, cause the car masterpiece. Got no love. sit where? Child, let it rip. And with that, hey. No time to trip. No time to trip. Child, hey. So move your hips. Move your. And with that. Phone when you're lonely. Said you got some things to show me. Give it to you how you want it. Then the cheese eggs in the morning. You got a smile that's hard to miss. With a booty so fat, make it hard to sit. I got bands like the parliament. Treat your body like a brick, it ain't hard to flip. I whip it real good. Whip it real good. Your man can't do it like I could. Leave that boy missing like Bigfoot. Jump in, we about to take off. And the rim so clean, but the leather so soft. Let your head down, the coupe got no top. The party don't stop. We do what we want. Oh yeah. Merci de vous réveiller sur Fun Radio, il est 9h. Fun Radio. Où que vous soyez en Belgique, soyez les bienvenus sur Fun Radio. On s'informe pour bien démarrer la journée en ce vendredi 12 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. C'est cette nuit que le réacteur nucléaire de Tianjin devrait redémarrer. Il avait été mis à l'arrêt depuis le 30 avril dernier pour une révision. Le redémarrage est prévu avec quelques jours de retard. La durée de vie de la centrale Tianjin a été prolongée par le gouvernement jusqu'en 2025. À l'étranger, le Japon va lui aussi redémarrer l'une de ses centrales nucléaires. Ce dernier a été arrêté il y a 5 ans. Actuellement, seulement 2 réacteurs sont mis en action dans le pays. Le Japon a décidé de le redémarrer afin de générer du courant à partir de ce lundi. Le réacteur avait été arrêté pour une maintenance de routine, mais n'avait pu redémarrer normalement par peur de catastrophes naturelles, d'accidents d'avion ou encore d'attentats. Microsoft a racheté un service spécialisé dans la diffusion en ligne de parties de jeux vidéo. Le groupe informatique a en effet racheté Beam dans le but de rivaliser avec d'autres plateformes de retransmission de jeux vidéo en streaming. Et Beam est un service innovant et interactif qui ne peut faire que du bien aux géants de l'informatique. En sport, c'est ce vendredi que l'athlétisme prend ses droits au JO de Rio. Plusieurs Belges entrent en compétition. Parmi eux, le lanceur du disque Philippe Milaneuf, grand espoir de médaille pour notre nation. Les frères Borlée entrent également en piste sur le 400 mètres. Nafis Atoutiam sera également en compétition malgré une blessure au coude depuis le championnat de Belgique. Peut-être de nouveaux espoirs de médaille après celle de Greg Van Avermaet qui a décroché l'or en cyclisme. Dirk Van Tichel entre en bronze au judo et l'héroïque Peter Timmers qui a décroché une belle médaille d'argent aux 100 mètres nage libre. C'est donc peut-être de nouvelles médailles que la Belgique peut espérer. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et vous dire surtout que les miracles existent. La preuve avec l'histoire de 2 Anglais et de leur chat. Le couple avait perdu toute trace de leur petit chat alors qu'ils étaient à Londres. Après des journées de recherche, ils avaient perdu tout espoir de le retrouver. 8 ans après avoir perdu Moon Unit, ils ont eu la plus belle surprise de leur vie. Le petit chat a été retrouvé et ses propriétaires ont pu le récupérer grâce à sa puce. Et cette dernière ne donnait aucun signalement pour la simple et bonne raison que la bête a été retrouvée en France. Le couple n'y croyait pas ses yeux avant de découvrir une photo de leur animal de compagnie. Ils vont dès lors pouvoir passer de bons moments après 8 ans d'absence. Fun. Dans un instant, je vous offre votre tablette PC 2 en 1 Acer One 10 pour la remporter. C'est très simple, vous envoyez PC dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et côté son dancefloor, c'est Eva Simon, c'est Sydney Samson qui arrive avec Escape from Home. From Love, pardon, juste avant. Est-ce qu'on va parler d'amour ce week-end? Est-ce que le temps sera propice aux sorties? Oui, le temps sera propice aux sorties pour ce week-end. Déjà aujourd'hui, en fin de journée, des éclaircies apparaîtront sur le pays. Le mercure est en hausse. Il devrait atteindre les 19 à 25 degrés dans l'entièreté du pays. En attendant, le soleil, avant qu'il n'arrive en Belgique, il est dans la radio, bien évidemment, avec le Stand and Floor sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Tiesto et John Legend. Summer Nights, les sons dance floor. En premier, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Démarrer la journée sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est Eva Simons qui arrive côté son dance floor. Juste avant, on parle de boulangerie, car oui, comme tous les vendredis de l'été, on accueille des auditeurs en studio qui sont avec nous pour passer une heure d'émission comme ça avec la boulangerie L'Artisan à Forêt. On a Yolanda qui est avec nous par téléphone. Salut Yolanda. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Très bien, merci. Alors on est en partenariat avec vous parce qu'on offre le petit déjeuner à nos auditeurs tous les vendredis dans votre boulangerie qui est très très sympathique. On est venu sur place la semaine dernière. Vous êtes une boulangerie mais vous êtes aussi un service traiteur. Tout à fait, un petit service traiteur, principalement sandwicherie et plats du jour. On a des plats du jour différents. Le jour de la semaine. Et alors en fait il faut savoir que tous ces plats du jour bon, sont consommés ici sur place. Mais alors tout est fait également pour pouvoir les emporter. Et c'est plutôt sympa parce que nous on l'a testé ici à la radio et franchement ça vaut le coup. Ça s'appelle l'artisan du côté de Forêt. Je te fais des bisous Yolanda, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve évidemment vendredi prochain pour un nouveau agenda de l'été. Et d'ici là on a le gagnant de jour puisqu'on vous offre pour la dernière fois aujourd'hui votre Acer One 10, votre tablette PC 2 en 1. On a Audrey qui est avec nous par téléphone, salut Audrey. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Bah super, c'est une super bonne nouvelle. Que la pêche, ça me fait super plaisir. Yolanda, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi comme tu l'as entendu. Tu repars avec ta tablette PC 2 en 1, bravo. Merci. Tu vas pouvoir t'éclater, rester connecté partout et tout le temps grâce à cette tablette PC Acer One 10. Je te fais des bisous, reste bien en antenne, je vais prendre tes coordonnées. Merci, si vous c'est aussi, super. Vous avez envie de la remporter comme justement notre ami Audrey, c'est très simple. Il vous suffit de rester connecté sur Fun Radio et ce sera encore à gagner cet après-midi entre 17h et 20h dans C'est que du fun. On a eu quelques petites réactions qu'on va lire rapidement par rapport au sujet du jour. On parlait de scoutisme et de, eh bien, de mouvement de jeunesse aujourd'hui. On a eu quelques petites réactions par SMS au 3044 comme par exemple mes meilleurs souvenirs sont les camps scouts, j'attendais ça toute l'année, la nature, les copains et les amourettes de vacances. C'est Gio de la Louvière qui nous envoie ça. On avait également un petit message de Arnaud qui a 16 ans, qui habite Marche. Je n'ai que des bons souvenirs de mes camps scouts. Le meilleur restera toujours d'ailleurs ma première fois en tente. Pendant la nuit, j'ai été pris d'un besoin urgent lors de mon arrivée au bord des bois. Je me suis retrouvé nez à nez avec une troupe de marcassins. C'était en tout cas un joli souvenir. On a également un petit message de Bénédicte, 48 ans, de Thouin. La plus belle chose qui me soit arrivée lors d'un camp, c'est la rencontre avec celui qui deviendra quelques années plus tard mon mari et le père de mes enfants. C'est tellement mignon, Bénédicte. C'était 29 ans d'amour et toujours autant de passion. Et puis toi, justement, Florence, tu es aussi une passionnée de camp scout. Oui, en tous les cas, je l'étais auparavant, en effet. Et qu'est-ce que tu as comme anecdote, par exemple, que tu aurais pu faire sur nous? Alors, moi, j'ai une anecdote incroyable. C'est-à-dire que nous étions partis en promenade, tout simplement, avec tout un groupe. Et le groupe a eu la super bonne idée de me donner la carte. Moi qui ne sais absolument pas lire les cartes. Tu as dû guider le truc. Et je les ai donc emportées à l'opposé d'où on devait aller en réalité. C'était plutôt original, non? C'est plutôt sympa. On a découvert au moins. Ça, on a visité. Florent, je te fais des gros bisous parce que tu pars en vacances maintenant. Ouais. On te retrouve très bientôt, en tout cas, sur Fun Radio. Et puis bonnes vacances à toi. Merci beaucoup. À très vite, Florence. Je te fais des bisous. Vous aussi, les amis. On se retrouve lundi car nous on va prendre un peu de congé. Là, c'est le week-end. On va fêter l'anniversaire d'Etienne également ce soir. Vous allez pouvoir suivre tout ça sur la page Facebook de Summer Fun. D'ici là, c'est Lloyd qui débarque dans quelques instants avec le meilleur de son dance floor. Le temps de vous retrouver lundi dès 6h. Comment ça va, mon Lloyd? Ça va très bien. C'est l'anniversaire d'Etienne aujourd'hui. Hein. Mais oui, 24 ans, le petit, oh. Là, quand même. Hein. Alors, on se retrouve sur la page Facebook de Summer Fun pour évidemment découvrir tous les contenus, les concours parce qu'on vous offre des URL 2 durant tout ce week-end. Ce sera à gagner sur la page Facebook de l'émission. Lloyd, excellent week-end à toi. Bonne journée, Anto. Nous, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio avec Emma Simons maintenant sur Fun. Voici Escape from Love. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. from love. Fun Radio. Fun Radio. They song dance floor. Fun Radio, plus que quelques heures maintenant avant le week-end. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Hello tout le monde, c'est Lloyd, très content de vous retrouver hein, sur Fun Radio. On passe la matinée ici ensemble, hein, 9h-13h, dernier jour de la semaine. Bon vendredi, hein, tout le monde, courage à vous tous au boulot. Tous vos tubes préférés qui arrivent dans un instant sur Fun Radio. J'attends vos messages, hein, 30-44 par SMS pour 50 centimes par envoi. Je les lis en direct à l'antenne. Là pour la suite du son, c'est R.I. Streffy qui prend le contrôle de Fun Radio. Ce sera Bonbon qui arrive juste après ça sur Fun Radio. Ne touchez à rien, restez chez nous. Gagnez votre PC 2 en 1, Laser One 10, grâce à Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun de 6h à 9h et C'est que du fun de 17h à 20h. Et repartez avec votre ordinateur Acer One 10 de 10 pouces convertible en tablette pour être connecté partout, tout le temps, en envoyant PC par SMS au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio. La radio qui vous offre les plus beaux cadeaux high-tech, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Chérie, t'as mis le réveil ? Oui, 4h du matin. Oh, génial ! Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. Fun Radio. Le son. Dance floor. Fun.